إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on rentre aujourd'hui inshallah. Je m'excuse si je suis ainsi un peu comme ça, mais j'ai un peu mal à la cheville à la koulihal. Septième annulatif parmi les 10 annulatifs de l'islam, de Cheikh l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc cette risala, cette épître écrite par Cheikh l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. On avait dit qu'il avait cité 10 annulatifs parmi les nombreux annulatifs de l'islam qui existent. On avait expliqué pourquoi on n'avait cité que 10, etc. dans l'introduction. Et on est arrivé au septième annulatif qui s'attache à étudier ce qui tourne autour du sihr. Et il dit d'ailleurs, وقال المصنف رحمه الله تعالى السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى, il rapporte ce septième annulatif. Donc on arrive petit à petit à la fin du livre, alhamdulillah. Et c'est ce qui concerne al-sihr, qu'on va traduire nous par la sorcellerie ou la magie. Et il dit, et en fait partie, al-sarf et al-atf. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le cours prochain, inshallah, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-sarf et al-atf, inshallah. Et il continue en disant, et en fait partie al-sarf et al-atf, et donc quiconque la commet, c'est-à-dire al-sihr, la sorcellerie, ou si vous voulez la magie, où on est satisfait, aura mécru. Et il rapporte la preuve et dit la preuve de cela est la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est « Mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Sourate al-Baqara, verset 102. Maintenant, par rapport à ce septième annulatif, on a l'explication de Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Et il dit « Al-sihru fi l'ugha huwa ma khafiya wa latufa sababuh. Wa qad dhakara ahlul ilmi anna al-sihr anwa' minhu anwa'un la yakfuru sahibuha bil ijma' wa hiya ma tarji'u ila khifati al-yadi wa khida'i al-basar au isti'mali al-khawas wa bi'ibaratina al-asriyah al-khawasu al-fizyaiyah au al-kimyaiyah lil-mawad famathalan ya'ti bi shi'in yarmihi ala al-nar fayakhruju dukhanun aswad أو يخرج دخان أحمر أو يوهم بأشياء أو يفعل أشياء بخفة يده أو يشغل البصر أو باستعمال ما يعرف بالميكانيكا أو نحو ذلك كما قيل في الساعة أول ما رآها بعض الناس وكما قيل عن الإذاعة والرأي أي التلفزيون فهذا سحر لغة لأنه مما خفي ولطف سببه لكن طاعاته بمجرده ليس بكفر يخرج من الملة. Donc, Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, il explique qu'il commence, et j'avais dit qu'on ferait peut-être au moins 2-3 cours que sur cet annulatif, Inch'Allah. Donc, on va commencer cette explication par l'explication de Cheikh Bazmoul qui dit Al-Sihr. Il explique d'abord ce que ça veut dire Sihr dans l'Ora, c'est-à-dire le sens linguistique. Et on avait déjà dit beaucoup de cours, il y a toujours les ulama, quand ils expliquent un terme, ils donnent le sens l'Orawi, Al-Ma'na l'Orawi. Le ma'na al-istilahi, c'est-à-dire que le sens du mot dans la langue arabe, le sens linguistique du terme, et puis le ma'na al-istilahi, c'est-à-dire le sens que le mot a dans le jargon des ulama, dans le jargon de la législation islamique, d'accord? C'est-à-dire le vocabulaire spécifique à la législation islamique. Et donc il dit la sorcellerie, la magie, al-sihr, l'uratan, c'est ce dont la cause est cachée. Et fine. Ma khafiya wa latufa sababuh. Essayez de retenir ça par cœur. J'ai dit beaucoup de fois dans les cours, Que Talib ilm se construit comment? Hein? Notamment par hifd al-ta'arif. Al-ta'arif al-lughawi, al-ta'arif al-istilahi. C'est de mémoriser les définitions des mashayikh. Regardez, c'est très court. C'est quoi sihr al-lughatan? Ma khafiya wa la tufa sababu. Voilà, tu connais c'est quoi le sihr al-lughatan. D'accord? Il dit, et en fait partie. Et les gens de science ont cité que le sihr est de plusieurs types. Vous avez déjà dit dans le cours précédent que Cheikh Mohamed Bazmoul, il va citer 8 types de sihr. On va en faire 4 aujourd'hui, Inch'Allah. Et il dit justement, et en fait partie certains types. C'est-à-dire parmi les types qu'on va citer, Inch'Allah, et en fait partie certains types dont celui qui les commet ne mécroit pas. Et ce, à l'unanimité. Je répète la phrase en arabe. Il dit, minhu anwa'un la yakfuru sahibuha bil ijma'. C'est-à-dire qu'il y a certains types de sihr, celui qui les commet ne mécroit pas, et ce, à l'unanimité, bil ijma'. Et c'est ce qui revient, il va expliquer c'est quoi ce genre de sihr, justement ce type de sihr, que celui qui le commet ne mécroit pas, et ce, à l'unanimité, il dit, et c'est ce qui revient à la rapidité de la main, et la tromperie de l'œil, ou l'utilisation des propriétés. Et il va expliquer ce qu'il entend par propriété ici. Il dit dans notre langage contemporain, on appelle ça comment? Les propriétés comment? Physiques ou chimiques. D'accord? Il dit le khawas, le fizia'iya ou le kimia'iya. L'ilmawad, c'est-à-dire les propriétés physiques ou chimiques des matières. L'mawad, madda, matière, mawad, matière, hein? Fizia'iya, physique et kimia'iya, chimique. Donc les propriétés physiques ou chimiques des matières, et que donc par exemple, ils viennent avec quelque chose qu'ils jettent sur le feu. D'accord? Là, il donne un exemple pour illustrer ce qu'il est en train de dire ici. Il amène une matière, il la jette sur le feu. Qu'est-ce que ça fait? Il dit, et en sort une fumée noire, par exemple. Ou une fumée rouge. Ou qu'il illusionne des choses. Une illusion. Ou qu'il fasse des choses par la rapidité de sa main. Ou qu'il occupe le regard. Il va expliquer plus en détail ça après, Inch'Allah. Ou qu'il occupe le regard, ou en utilisant ce qui est connu comme étant la mécanique, etc. Il dit d'ailleurs, comme cela a été dit au sujet de la montre, la première fois que les gens l'ont vue. Là, on est habitué à la montre aujourd'hui. Mais la première fois que l'on l'a vue, ça a été dit que des gens ont vu la montre, cela a été dit. Donc cela a été dit au sujet de la radio et de la télévision, etc. C'est donc ici, un sihr, dans quel sens? Moi, je vous pose la question. Dans le sens linguistique ou dans le sens du jargon des ulama? Non? C'est, cela est donc dans un sihr dans le sens quoi? Linguistique du terme. Car cela fait partie des choses dont la cause est cachée et fine. Mais pratiquer cela en tant que tel n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion. Ça va? Ça s'éclaire ce point-là? Maintenant, on a vu le premier type, c'était quoi? D'accord? Deuxième type, il dit, pour les frères qui ont la même édition que moi en arabe, on a la page 149. من أجل الوصول إلى ما يريده ومنه d'ailleurs si vous avez le livre en arabe mettez deux points sur le kufriyah à la fin c'est un ta من أجل الوصول إلى ما يريده ومنه سحر الطلسمات والتعازيم التي ذكر أو ذكر أنها أقسام بالجان وملوكهم ويسمى أحيانا بالسحر الأسود أو السحر البابلي. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot sort, Babili, c'est quoi en français? Babylonien. D'accord? Wa sihru al-Babili ishara ila ma ja'a fi qawli ta'ala wa attaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرة. Donc Cheikh Bazmoul continue son explication en rapportant pour le premier type, le deuxième types, parmi les types de sihr qu'on va citer, inshallah. Il dit maintenant le sihr, ou si vous voulez la magie, qui est une mécréance, ou billah. Et c'est ce qui revient à l'association à Allah le Très-Haut et à mécroire en lui, subhanahu wa ta'ala. Comme celui qui croit dans son sihr, dans sa magie, au fait d'adresser la parole aux étoiles et aux sphères célestes supérieures, et qu'elles ont une influence sur les fils d'Adam, ou qu'ils demandent de l'aide aux djinns, par des choses qui sont de la mécréance ou de l'association. D'accord ? Il a dit au moins kufriya ou shirkiya. Afin qu'il arrive à ce qu'il veut. Et on fait partie la sauce qu'on appelle la sorcellerie des talismans et des sorts, hein, ta'azim, qui ont été rapportés comme étant des serments, ce qu'on appelle aqsam, des serments sur les djinns et leurs rois. Et il est parfois appelé aussi al-sihr al-aswad, le sihr, la magie noire, le sihr noir, ou le sihr babylonien. D'accord ? Il dit, et le sihr babylonien est une indication de ce qui a été rapporté dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens, et c'est un verset que vous connaissez sûrement de Surat al-Baqarah, d'accord ? Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone. Vous avez compris maintenant ce que veut dire le cher ici? À Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à quiconque qu'avec la permission d'Allah. En français, quand vous voyez dans le Coran, il est marqué dans la traduction, il est marqué, ils ne sont capables de nuire à personne. Je ne sais pas, ça fait un contresens, j'ai l'impression, en français. Hein? Ils ne sont capables de nuire à personne. Hein? Moi, j'ai dit à quiconque, à la kulhal, ils ne sont capables de nuire à quiconque avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, qu'elle détesta la marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 102. Maintenant, Cheikh, ici, va rapporter une parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, par rapport à ce verset. Il dit, Ibn Kathir, il va citer quelqu'un d'autre qui est Abu Abdillah al-Razi. Il dit, قال Ibn Kathir, rahimahullah, ذكر Abu Abdillah al-Razi أن أنواع السحر ثمانية. Donc, vous voyez, les petites qu'on va citer, en fait, sont citées par qui? Par Ibn Kathir, qui cite qui? Abu Abdillah al-Razi. Ibn Kathir, rahimahullah, قال ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول أي الأول من أنواع السحر. السحر الأول سحر الكلدانيين. المو كلداني شو يشوف في الكلدانية الفرنسية؟ هي الكلديان. C H A L D E E N S. D'accord. الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبع المتحيرة. Vous savez peut-être même c'était le peuple de qui? C'était le peuple de qui? La réponse elle arrive dans quelques lignes, inshallah. Et c'est la voiture. Et ils croyaient qu'elle gouvernait le monde et qu'elle venait avec le bien et le mal. Et ils sont ceux qui ont été envoyés à Ibrahim al-Khalil alayhi salam, mubtilan li maqalatihim wa raddan ala madhhabihim ou li madhhabihim. Wa qad istaqsa fi kitab as-sirr al-maktum, c'est qui istaqsa al-fa'il man? C'est Abu Abdillah al-Razi. وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي بن خلقان وغيره يقال إنه تاب منه وقيل إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما ينتكسون به. Une petite note de bas de page ici. On va d'abord lire en arabe. جزم بالنسبة إليه ابن تيمية. C'est-à-dire que le livre il a été attribué à Abu Abdillah al-Razi et Ibn Taymiyya il a affirmé cela dans son livre Safdiya et dans Dar al-Ta'arud. Dar al-Ta'arud, un livre que vous connaissez peut-être, un très important livre d'Ibn Taymiyya. Il y a un tahqiq qui existe de Mohamed Rachid Salim. Mohamed Rachid Salim, c'était un des spécialistes des livres d'Ibn Taymiyyah. Et Cheikh Mohamed Amal Jaimi, rahmatullah alayh, il conseillait ses tahqiqat. Mohamed Rachid Salim, retenez ce nom-là. Et il y a une édition qui a été publiée de Dar al-Ta'arud. Le titre complet, c'est quoi? Dar al-Ta'arud ibn al-Naqli wal-Aql. D'accord? Mohamed Rachid Salim, retenez ce nom-là. C'est Cheikh Mohamed Amal Jaimi. Si je me souviens bien, qui avait dit ça dans Sharh al-Qawa'id al-Muthla de Cheikh Uthaymin. Donc Ibn Taymiyyah, il a dit ça dans Safdiyya, dans Dar al-Ta'arud, ou dans Majmou' al-Fatawa, il a cité la référence. On va déjà traduire ce passage. Ibn Kathir, car il fait ce miséricorde, il a dit Abu Abdillah al-Razi, dans son exégèse, volume 3, page 243-248, il a rapporté que les types de sihr, on a dit depuis tout à l'heure, sont au nombre de 8. Le premier, c'est la magie de ce qu'on a dit en arabe, al-Kuldaniyun, en Al-Kushdaniyun, en français les Chaldéens, d'accord? Ça se dit K, mais ça s'écrit CH, d'accord? Les Chaldéens, qui adoraient les sept astres qui sont les planètes, et ils croyaient qu'elles géraient le monde, et qu'elles amenaient le bien et le mal, ces planètes. Et ils sont ceux à qui fut envoyé, qui, on a dit? Ibrahim Al-Khalil. Qui a rendu leurs paroles caduques et a réfuté leurs croyances. Et il a approfondi le sujet. Quand on dit il, c'est quel sujet ici de la phrase? Abu Abdillah al-Razi. Et il a approfondi le sujet dans un livre qui s'appelle comment? Kitab al-Sir al-Maktoum. C'est quoi Sir dans la langue arabe? Secret. Hein? Al-Maktoum. Caché. Ou Maktoum, c'est cacheté. Hein? Maktoum. Maktoum. Sir Maktoum fi mukhatabati shamsi wa al-nujum. C'est-à-dire quoi? Dans le fait de. Le secret caché. Dans le fait de. Mukhatabat. Divab khataba yukhatibu mukhatabatan. De s'adresser à qui? À Shams et. Aux étoiles, aux nujum. D'accord? Ce livre, il lui a été attribué à Abu Abdillah al-Razi. Comme cela a été rapporté par quelqu'un qui s'appelle Al-Qadi ibn Khalkan. Ce qui est important peut-être de comprendre, de savoir pour nous, c'est que c'est un livre qui lui a été attribué et qu'Ibn Taymiyyah, il a affirmé cela dans plusieurs de ses livres. Si on retient ça, c'est suffisant. Dans Safdiyya, dans Dar al-Ta'arud et dans Majmou' al-Fatawa. D'accord? Pour les frères qui voudront les références, elles seront sur le PDF, Inch'Allah. Et d'autres, et il a été dit qu'il s'en est repenti d'ailleurs, de ce livre-là. D'accord? Et il a été dit qu'il l'a écrit de manière à mettre en évidence le fadila et pas par croyance. Il a dit le shaykh ici. Et c'est ce que l'on soupçonne à son égard. Sauf qu'il y a décrit leur méthode pour parler à ces sept planètes et la manière qu'ils avaient d'agir et ce qu'ils portaient et ce par quoi ils chutaient. Et il dit, et le deuxième type, le sihr, le sihr, il a dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Sihr ashab al-awham al-nufus al-qawiyya. Thumma istadala ala anna al-wahma lahu ta'thir. Bi anna al-insan yumkinuhu an yamshi ala al-jisr al-mawdu' ala wajh al-ard. Wa la yumkinuhu al-mashu alayhi idha kana mamdudan ala naharin aw nahwih. Qala wa kama ajma'at al-atibba ala an-nahy al-mar'uf an an-nadhar ila al-ashya' al-humur. Aw al-humar, afwan. والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. Ça vous a rappelé un hadith d'ailleurs qui dit quoi? Il a cité le cheikh ici, le cheikh Bazmoun, il a dit وله أن يتدل على ذلك بما ثبت في الصحيح كل صحيح صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. La suite du hadith qui est intéressante aussi. وإن استغسلتم, si je me rappelle bien l'œuvre du hadith, وإن استغسلتم فاغتسلوا. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. C'est une petite faïda en plus. C'est-à-dire, quel est le motif que tu penses que quelqu'un a fait l'ain, ce qu'on appelle l'ain. D'accord? El ma'yun, c'est celui qui a subi l'ain. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la sunna dans ces cas-là? C'est demander qu'il se lave. Hein? Qu'il se lave, qu'il y a un irsila atrafah, et aussi en dessous de son izar. en dessous de son izar. Et qu'avec cette eau-là, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà. Et les ulama ils disent, d'ailleurs l'afd est l'éclair du hadith, c'est que si on te demande, tu dois le faire. Tu dois donner l'eau. D'accord? Alors, on traduit déjà, et après on verra, Inch'Allah, par rapport à ce point-là. Il dit, et le deuxième type, c'est-à-dire le deuxième type parmi les huit types de sihr qu'on va citer, Inch'Allah, le sihr de ceux qui détiennent des illusions et des esprits forts. On va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. Puis il utilisa comme preuve sur le fait que l'illusion a une influence qu'il est possible, c'est quoi la preuve? Qu'il est possible à un individu, regardez l'exemple qu'il donne, de marcher sur un pont déposé par terre, sur la surface de la terre. Imaginez-vous un pont en général c'est dans le vide, ça, oh là là. Mais ici il dit par exemple un pont qui est déposé sur la surface de la terre, d'accord? Mais il ne peut pas y marcher s'il est placé au-dessus d'un fleuve ou autre chose similaire. Vous avez compris ce qu'il essaie de... Non ? Je répète cette phrase. Je répète. Et alors, on revient au deuxième type. Comme ça, c'est clair. Non, c'est important que ce soit compris. Le sihr de ceux qui détiennent des illusions et des esprits forts. Maintenant, il va expliquer. On est d'accord. Comment il explique ça ? Il dit qu'il a utilisé une preuve, justement. Cheikh Bazoun, en fait, il rapporte la parole dans son sens. Il explique ce que Abu Abdullah al-Razi, il a cité. D'accord. Des fois, il le cite textuellement. Des fois, il fait quoi? Il rapporte ce qu'il a dit. Il dit, puis il utilisa comme preuve sur le fait que l'illusion a une influence qu'il est possible à un individu de marcher sur un pont déposé sur la surface de la terre. Mais le même individu, il n'y est pas quoi? Il ne peut pas marcher s'il est placé au-dessus d'un fleuve ou autre chose similaire. Vous avez compris là? Oui ou non? Non. Il y en a qui disent non. Ils sont honnêtes, alhamdoulilah. Hein? Donc, quelqu'un, il y a une influence ici. Il y a quelqu'un, par exemple, la même personne. Si tu lui mets un pont, par exemple, sur la surface de la terre, ben, il va y marcher, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant le pont, il est sur un vide, hein, au-dessus d'une rivière, etc., il ne va pas marcher. Donc, il est influencé ou pas? Parce qu'il voit. Vous voyez où il va venir, le shir? Ah, alhamdoulilah. Il dit, s'il est placé au-dessus d'un fleuve ou autre chose similaire, il ne peut pas y marcher. D'accord. Yeah. Il dit, et ça c'est un point important, et je vais vous raconter une histoire d'un jeune que j'ai connu en Belgique et qui est mort en raison de quelque chose qu'il va citer ici, Inch'Allah. Il dit, et comme les médecins sont unanimes sur l'interdiction, pour celui qui est victime de saignement du nez, ce qu'on appelle en arabe le mar'ouf, vous connaissez le ri'af? Ri'af, c'est le saignement du nez. Le pluriel, ri'af. On dit ra'ifa en langue arabe. Le mar'ouf, c'est celui qui subit beaucoup de quoi? De saignement. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont beaucoup de saignement du nez, etc. On l'appelle mar'ouf, on dit. Mar'ouf. Celui qui est victime de saignement du nez, je répète cette phrase, et comme les médecins sont unanimes sur l'interdiction pour celui qui est victime de saignement du nez de regarder des choses rouges. Pourquoi? Vous comprenez où ils vont venir par rapport à l'influence de ce qu'on voit? Et à l'épileptique, de regarder les choses qui incendent un scintillement ou un miroitement fort. Et ça, c'est vrai. L'histoire que je vous racontais, subhanallah, c'est que quand je donnais cours de tawhid et de hadith à des jeunes à Bruxelles, ils étaient un certain nombre. Des jeunes qui aimaient la religion, qui voulaient pratiquer, etc. On leur a fait des cours d'arabe et puis ils ont voulu faire d'autres choses. On a commencé à faire des cours de tawhid, usul talata, de arba'a nawiyya, etc. Et un jeune qui était là, c'est lui qui appelait beaucoup les autres. Et je me rappelle en classe, il pleurait quand je parlais de tawhid. Hein? Et un jour, on m'a appelé au téléphone, on m'a dit qu'il était dans le coma et que dans une autre ville. J'ai pris l'autoroute, j'ai vite été pour aller le voir, etc. Quand je suis arrivé, il était déjà mort, alayhi rahmatullah. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était épileptique. Et qu'en fait, ils étaient en train de nager. Hein? Et qu'il y a quelque chose qui a scintillé, qui a tapé son œil, et qui ça a provoqué une crise d'épilepsie. Il y avait un frère qui était maître nageur et qui nous expliquait qu'en fait, que Naam, il s'est connu même pour les frères qui étaient dans ce domaine-là et qui sont maître nageurs, etc. Il a dit qu'ils avaient appris ça dans leur formation, que c'était dangereux pour les épileptiques, des fois les rayons du soleil qui tapent sur l'eau, qui reviennent dans les voies, par rapport à ça ici. D'accord? Wallah, c'est une hypothèse qu'ils ont dit, mais que c'est peut-être ça qui a provoqué sa crise d'épilepsie et que donc il s'est noyé, alayhi rahmatullah. Donc je répète cette phrase ici. Il dit, et comme les médecins sont unanimes sur l'interdiction pour celui qui est victime de saignement du nez de regarder des choses rouges, il y a l'épileptique de regarder des choses, les choses qui ont un quoi, un scintillement ou un miroitement fort, ou une rotation forte. Et cela n'est qu'en raison du fait que les esprits, vous allez voir où ils vont arriver ici, ont été créés obéissant aux illusions. D'accord ? Il dit, il continue en citant toujours la parole, il dit, et les gens doués de raison sont unanimes quant au fait qu'être touché par le mauvais œil est une vérité. Et le cheikh, il va dire justement par rapport à ça, il va dire ici, il peut utiliser comme preuve de cela ce qui était rapporté de manière authentique dans l'authentique de muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est une traduction du sens en fonction du sharah du hadith, revenez au hadith, on le lit en arabe, l'ayn au haq, on le kanashi, on sabiq al qadar, la sabiqatu l'ayn. Traduction du sens, le mauvais œil, l'ayn, c'est-à-dire le mauvais œil, en français on traduit ça comme ça, est une vérité. Et s'il y avait quelque chose parmi les causes de perdition qui aurait précédé la prédestination, c'est-à-dire en faisant périr la chose avant l'arrivée du terme prédestiné pour elle, cela aurait été quoi? Le mauvais œil, l'ayn. Vous avez compris ce hadith ici? Je le répète, le mauvais œil est une vérité, et s'il y avait quelque chose parmi les causes de perdition qui aurait précédé la prédestination, en faisant périr la chose avant l'arrivée du terme prédestiné pour elle, cela aurait été le mauvais œil. D'accord? Bien sûr, c'est pas le cas. D'ailleurs, quand vous retournez au shurouh de Sahih al-Bukhari, vous allez voir que des gens comme Hajar et d'autres, ils ont dit que c'est pas le cas pour l'ayn. Alors qu'est-ce qu'il en est pour les autres causes? Il dit قال فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل وقد تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات وتحقيقه أن النفس إذا كانت لا يفكر إذا لم يكن إن شاء الله إذا كانت النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن ثم أرشد إلى مداوات هذا الداء بالتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء. C'est que ça va être un peu difficile pour traduire là en hein, langage des signes et tout ça. Hein? Il dit, si tu sais cela, nous disons. J'écoutais. Hein? Parce que ça va être un peu technique là. Si tu sais cela, nous disons, l'âme qui commet ce genre d'action peut être très forte. D'accord? Et donc, ce suffit dans ce genre d'action et ne recourt pas à des instruments ou des outils. Et il se peut qu'elle soit faible maintenant. Et donc, il a besoin de recourir à quoi? À des instruments. Et ce qui explique cela est que l'âme, lorsqu'elle est élevée par rapport au corps, et il y a une forte attraction vers le monde des cieux, elle devient comme si elle était un esprit parmi les esprits célestes. Et donc, elle est puissante dans son influence sur les matières de ce monde. Et si elle est faible, il fait référence à qui est faible? D'accord? Et à un attachement fort à cette essence corporelle, elle n'a donc aucune action si ce n'est sur ce corps même. D'accord? Puis il orienta, donc il cite toujours la parole du cheikh, il explique toujours qu'est-ce qu'il dit, il dit, puis il orienta vers le remède contre ce mal, qui est de réduire la nutrition et de se couper des gens et de l'ostentation. Je dis, c'est qui dit ici? Hein, cheikh? محمد بزمول حفظه الله نعم جدي قلت وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال il avait expliqué en fait avec des mots on peut plus comprendre et qu'on utilise aujourd'hui c'est quoi ce qu'on appelle التصرف بالحال d'accord وهو على قسمين طارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف فيها بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، لا يسمى هذا سحرا في الشرع. شيخ الدي جدي شيخ بازمون حفظه الله سي اوكي لي ريفيرونس اي لاجيسمون بار لا سيتواسيون، التصرف بالحال. Et il est de deux catégories. C'est parfois, première catégorie, c'est parfois une situation correcte que quelqu'un a, d'accord, correcte, légiférée, par laquelle il agit dans ce qu'Allah a commandé, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il délaisse ce qu'Allah interdit, et son, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ces situations sont des, il a utilisé le mot en arabe qui est mawahib, mawhiba. C'est-à-dire quoi? Des dons. Des dons d'Allah et des miracles, karamat. Pour qui? Pour les vertueux de cette communauté. Et cela n'a pas été appelé sihr dans la législation. Vous savez ça que Allah donne des karamat à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Vous savez ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, parmi les signes qu'on avait fait, le fatwa al-Malikiyya de l'imam Qirawani, expliqué par Cheikh Ahmed Bazmoul, on avait expliqué que Salaf, pour ceux qui ont fait les doros avec nous, ils expliquaient que Salaf, justement, qu'ils avaient des karamates, ils n'étaient pas imbus de leur personne, ils avaient peur pour eux-mêmes. Vous vous souvenez de ça? Et qu'ils pleuraient, et qu'ils croyaient que c'était quoi? Un istidraj pour eux. Et istidraj, on va parler de ça dans un instant, inshallah. Regardez le taqwa des Salaf. Mais c'est pas certains qui trompent les gens en faisant croire que des karamates, ou qui, parce qu'ils ont peut-être des choses, qu'ils se prennent pour, hein, là. Regardez le manqif des Salaf, ils avaient peur. Qu'ils avaient des karamates, des miracles et des prodiges. D'accord. Donc ici, il dit, et ceci n'est pas appelé sihr dans la législation. Ça c'est bien clair, ce premier agissement par les situations, premier type. Deuxième type maintenant. Et parfois cette situation, il a dit fasida, elle est corrompue. Et celui qui la détient ne met pas en pratique ce qu'Allah a ordonné, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. C'est pour ça que les ulémas disent que dans Bab al-Karamat, on regarde à la sunna de la personne. On regarde son attachement à la sunna. Hein? Il dit le cheikh ici, et il n'agit pas en fonction de cela à ce sujet, et c'est la situation des malheureux qui transgressent la législation d'Allah. J'ai pas lu en arabe. Hein? Il dit وَتَارَةً تَكُونُ الْحَالِ فَاسِدَةً لَا يَتَمَثَّلُ صَاحِبُهَا مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَصَرَّفُ بِهَا فِي ذَلِكَ فَهَذِهِ حَالُ الْأَشْقِيَاءِ. Vous savez que le mot hal, j'ai déjà dit dans certains cours, yajouzu fihi tazkir wa ta'nith wa l'afsah. C'est quoi? Le mot hal en langue arabe, il peut être féminin et masculin. Il y a des mots comme ça en langue arabe. Et le plus éloquent, si vous voulez, dans la langue arabe, c'est de dire quoi? C'est ta'nith. Hein? Wallahu alam. Le hal. Donc, c'est pour ça qu'il a dit fahadi hal. Tu peux dire ça. Fahadi halu. الأشقياء المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم. Ça c'est important de comprendre aussi. كما أن الدجال لعنه الله له من خوارق العادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك ما من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Donc, deuxième situation, on a dit, et parfois cette situation, elle est quoi? Elle est corrompue. Et celui qui la détient ne met pas en pratique ce qu'Allah a ordonné, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, et n'agit pas en fonction de cela à ce sujet, et c'est la situation des malheureux qui transgressent la législation. Ici, le mot hal, il a expliqué le cheikh ici, en bas de page. وتسمى هذه الحال بالاستدراج. Et ça, ça doit vous rappeler des versets du Coran. Au moins deux versets du Coran. هذه تسمية مأخوذة من قوله تبارك وتعالى dans sourate Al-A'raf et dans sourate Al-Qalam. Premier verset sourate Al-A'raf. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج. وقوله تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Surat Al-Qalam, verset 44. Donc, Cheikh, il dit, cette situation des malheureux qui transgressent la législation, elle est appelée istidraj, al-istidraj chez les ulama. Et cette appellation est prise de la parole d'Allah. Le trio dans la traduction du sens est, et la traduction va vous aider à comprendre le sens du mot istidraj, ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, sanastadrijhum, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. C'est-à-dire que ce hal pour eux, c'est un istidraj. C'est-à-dire que, hein, petit à petit, Allah les amène graduellement vers quoi? Vers leur propre perte. Donc il ne faut pas être dupé par ces choses-là. Sourate Al-A'raf, verset 182. Et sa parole dans la traduction du sens est: laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, encore une fois, sanastadrijhum, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Sourate Al-Qalam, verset 44. Et Cheikh, il va donner un exemple qui nous illustre bien ça. Al-Dajjal. Vous connaissez tous le Messie Dajjal? Hein? D'accord? D'ailleurs, on a déjà expliqué dans un des cours pourquoi on lui dit Messie Dajjal. On dit le Messie, Isa ibn Maryam. C'est le même mot. Qui se rappelle pourquoi ou qui sait pourquoi? C'est ça, Dajjal, tu parles là, hein? C'est ça, parce que le Messie, ici, pour le Dajjal, on avait expliqué ça, que c'est à la wazn mamsouh. Aïe mamsouh l'ayn. Dire qu'il est, il est quoi? Il est borgien. D'accord? Tandis que le Messie, papa Isa ibn Ali Salam, c'était quoi qu'on avait dit? Vas-y. Ce qu'on avait dit parmi les explications, c'était quoi? Que Allah lui avait donné comme miracle que Yamsahu biyadihi, il l'essuyait de sa main et qu'Allah donnait la guérison. Ça, ou là? D'accord? Donc on a dit quoi ici le Dajjal? Qu'Allah le maudisse. J'ai oublié de rapporter la phrase en, parce qu'elle est importante. Et le fait qu'Allah leur donne ces situations. Donc c'est qui est dans ces situations? C'est Allah. À mon avis, qu'il y a deux catégories. Ça, oulala. Allah donne ces situations n'indique pas qu'il les aime. Le fait qu'Allah leur donne ces situations n'indique pas qu'il les aime. On a utilisé le mot d'ailleurs quoi? Le mot istidraj. Pour les mener graduellement à leur perte. Donc le fait qu'ils aient ça, qu'Allah leur donne ça, ça n'indique pas qu'Allah les aime. Attention. D'accord? Donc je répète cette phrase. Et le fait qu'Allah leur donne ces situations n'indique pas qu'il les aime, subhanahu wa ta'ala, comme le dégel qu'Allah nous maudisse. Qu'il y a des choses qui sont des prodiges. Vous savez que le prodige dans la langue française, c'est quoi? C'est un événement qui est quoi? Extraordinaire. C'est pour ça qu'en arabe, il a dit khawariq al-adat. Ce qui sort de l'ordinaire. Ce qui sort de ce qui est connu. En français, on a un mot des prodiges. Comme cela a été indiqué dans de nombreux ahadiths. Et vous connaissez certainement les ahadiths par rapport au dégel et des choses qu'il va faire. D'accord? Alors que lui, il est blâmé dans la législation. Qu'Allah le maudisse, d'ailleurs, le cheikh, il dit. Et de même pour ceux qui lui ressemblent parmi ceux qui transgressent la législation de Mohammed alayhi salatu wasalam, que les meilleurs saluts, il a dit d'ailleurs le cheikh alayhi afdalu salam wa taslim salatu wasalam, il a dit que les meilleures salutations et prières soient sur lui, et expliquer cela en détail, le cheikh dit, requiert un temps très long et cela n'a pas sa place ici. Il dit, maintenant on arrive à quel type? Après le premier et le deuxième, on est arrivé au troisième. Il dit النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة هم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصاله بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخل والتجريد وهذا النوع مسمى بالعزائم وعمل التسخير. C'est quoi ce troisième genre de sihr? C'est quoi les deux premiers? Je sais que c'est un peu difficile, hein, mais hein? Un qui n'est pas qui n'est pas une mécréance, Bill Ijma, il a cité quoi? Mais il a dit des choses par rapport à ça. C'est juste, hein, mais continue un peu, quoi. Hein? Comme cela. Personne se rappelle? Non? Eh ouais, personne. Vous avez peur de parler? Alors, qu'est-ce qu'il a dit pour le premier type? On avait dit, premier type, c'est Bilijma' alayk furusa hibouha. On avait dit ça. Et c'est tout ce qui retourne à quoi? À la rapidité de la main et à tout ce qui touche, comme il a dit le frère très justement, tout ce qui touche à l'illusion, etc. On est d'accord? Notamment, comme il a cité le frère, je ne sais plus qui a cité ça ici, par rapport au fait d'utiliser quoi? Des caractéristiques, des propriétés physiques et chimiques de la matière. Et, comme on a donné l'exemple d'ailleurs, comme le fait de faire quoi? Jeter une matière sur le feu et que ça donne une fumée noire ou une fumée rouge, etc. Hein, ça va. D'ailleurs, il y a des choses qui sont des nouvelles technologies qui sont apparues et que les gens lui ont donné ce nom parce que c'était nouveau. Et c'était quoi, par exemple? Par exemple, la montre, par exemple, la télévision, par rapport à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est des choses, hein, dont le mécanisme, dont la cause est quoi? Est cachée. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ça rentre dans le sens linguistique du terme. Ça va? Et donc, ça rentre pas dans ce qui fait sortir de la religion. Deuxième type, c'était quoi? Ben justement, c'est ce qui fait sortir la religion, et c'est ce qui est du kufr, et c'est ce qui retourne à quoi? À l'association à Allah et à la mécréance en Allah. D'accord? Il avait cité un verset de quelle sourate? Baqara numéro 102. Naam. Il avait dit d'ailleurs que il avait donné un exemple, comme ceux qui croient par exemple dans le fait de parler aux astres et aux étoiles, d'accord, et que ces astres et étoiles ont dans leur magie, ils croient en fait de parler aux astres et aux étoiles, et ils disent que ces astres et ces étoiles, et il a même cité les astres, etc. Il a dit que elles ont une influence sur les fils d'Adam, d'accord. Et que, ou qu'ils demandent de l'aide aux djinns par des choses qui sont quoi? De la mécréance ou de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'arriver à ce qu'il veut. Et on avait dit que c'était appelé comment des fois? Et ces choses là il a parlé des talismans, il a parlé des sorts, il a dit que elles sont citées comme étant le fait de faire des serments sur les djinns, le roi, etc. On appelle cela aussi comment? Le sihr. Sihr al-aswad, ou bien sihr al-babili. C'est-à-dire le sihr babylonien, ou le sihr noir, si vous voulez. Puis on a cité la parole d'Ibn Kathir, il a cité la parole d'Abu Abdillah al-Razi, qui a cité les 8 types. Premier type qu'on avait cité ici, c'était sihr al-kuldani, les chaldéens. D'accord, qui est, on avait dit c'est le peuple de qui? Ibrahim alayhi salam. Il a été envoyé vers eux. Il a réfuté leurs paroles et leurs croyances, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils croyaient? Que les 7 planètes, par exemple, elles gèrent le monde. Naam. Puis on a cité le deuxième type. Celui-là, je pense que c'était un peu le plus difficile à retenir, non? Deuxième type par rapport aux esprits. Fort, on a expliqué ça, d'accord, hein? Il a dit l'ashab al-awham al-nufus al-qawiyya. Puis il a parlé de tout ça, d'accord. Et puis maintenant, on est arrivé à quel type? Le troisième. Et il a dit le troisième type parmi les types de sihr, demander l'aide aux esprits terrestres. C'est qui? Qui sont les djinns, en opposition aux mu'tazila et aux philosophes. Ils sont de deux types. Ils sont croyants ou mécréants. Et ils sont les démons, d'accord? Il dit, la communication avec eux des esprits qui parlent est plus facile que la communication avec les esprits célestes, en raison de ce qu'il y a entre eux comme rapport et proximité. Puis ceux qui détiennent le savoir-faire, l'expérience, ont vu que la communication avec ces esprits terrestres se concrétise par des actions qui sont peu et faciles en termes d'incantation et d'intrigue et de transcendance. Et ce type est celui qui est appelé « al-azaim » et amal al-tasrir. Quatrième type, le dernier qu'on va citer aujourd'hui, inshallah. Le rabi' min al-sihr al-takhayyulat wal akhd bil-uyun wash-sha'badha wa mabnahu ala an al-basar qad yakhti' wa yashtaghilu bi shay' al-mu'ayyan duna ghayrihi. Ala tara an al-mush'abid al-hadhiq يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن السحر السحر بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبدة، ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر، والله أعلم. لذلك الشيخ بزمول يرابط لك خيام تيب de parmi les types de sihr que Abu Abdillah Razi l'a cité, c'est les imaginations, les hallucinations et capter les regards, et ce qu'on appelle en français les tours de passe-passe. D'accord ? En arabe, sha'bada. Il dit, et cela est construit sur le fait que le regard peut se tromper et peut être occupé par une chose spécifique au détriment d'autre chose. Ne vois-tu pas que l'expert en tour de passe-passe montre qu'il fait une chose par laquelle il préoccupe les esprits de ceux qui la regardent? Il n'a pas fait quoi? Je n'ai pas rapporté le troisième. Si. On a dit, on a fini, on a dit que c'était l'azaïm et amal tiskhir. Ça, hein? Le quatrième, je répète le quatrième. Les imaginations, les hallucinations et capter le regard et les tours de passe-passe. On a dit que cela est construit sur le fait que le regard peut se tromper et peut être occupé par une chose spécifique au détriment d'une autre chose. Ne vois-tu pas que l'expert en tour de passe-passe montre qu'il fait une chose par laquelle il préoccupe les esprits de ceux qui la regardent, et le fait que les yeux soient rivés vers elle, cette chose, jusqu'à ce qu'il leur ait fait faire un grand effort en étant préoccupé par cette chose, par le regard, ou autre, il fait alors une autre action d'une grande rapidité. Et à ce moment-là, leur montre une autre chose qui n'est pas ce qu'ils attendaient. Et donc, ils sont très surpris. Et si lui, d'ailleurs, souvent les gens qui font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent quand ils font de ces choses-là. D'accord? Il a dit, et s'ils s'étaient tus et n'avaient pas dit ce qu'il a distrait leur attention vers le contraire de ce qu'il veut faire, et que les esprits et les attentions n'avaient pas bougé vers autre chose que ce qu'il voulait faire sortir, ceux qui regardent auraient tous pris conscience de ce qu'il fait. D'ailleurs, une grande méthode, c'est quoi? C'est de détourner l'attention, ça, holala. D'accord? Et au plus les situations résultent en une déficience de vue, pour les regards, au mieux l'action est. Je vais donner un exemple. Comme quand celui qui fait des tours de passe-passe s'assied dans un endroit très lumineux ou obscur. Et donc la puissance du regard n'est pas capable d'appréhender les situations en raison de sa défaillance dans cet état. Donc il va faire exprès, pourquoi? Pour que le regard ne soit pas apte à appréhender tout ce qui, hein, tout ce qui se passe. D'accord? Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ici. Non, c'est la page après, ce sera pour le cours prochain. Il va dire que, page 154, il va dire un exemple que de nos jours, il y a une information qui a été rapportée ou diffusée par les chrétiens et qui est soi-disant appuyée par une cassette, hein, enregistrée avec l'apparition de la Vierge. Au sud de l'église de l'Ouarraq en Égypte. Et en fait, après, qu'est-ce qui est apparu? C'est que ça a été fait, en fait, au moyen d'un appareil, hein, qui a donné l'image, en fait. D'accord? Et que, dans la tête des faibles d'esprit, ça a été pour eux un grand miracle, d'accord ? Il dit يدير الصورة الشعاعية ثلاثة الأبعاد وهذه حية النصارى في كل عصر تطور بحسبه. Ça c'est les ruses des chrétiens à chaque époque, et chaque époque en fonction de quoi, des technologies, hein, de ce qui va avec l'époque. On va en rapporter ça en détail dans le cours prochain, inchallah. Donc Cheikh il dit ici, il se situe dans un endroit qui est très lumineux ou obscur. Et donc la puissance du regard n'est pas capable d'appréhender les situations en raison de sa défaillance dans cet état. Je dis, Cheikh Bezmoul, et certains exégètes ont dit, le sihr des magiciens qui étaient devant Pharaon était de l'ordre du tour de passe-passe. Mais c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est, puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. D'accord ? Starhabuhum. Ça c'est sourate Al-A'raf verset 116. Et Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens est, c'est sourate Taha verset 66, lui parurent rampés par l'effet de leur magie. C'est quoi le verset qui est, les mots qui sont juste avant dans le verset, c'est quoi ? Hibaluhum wa 'isiyuhum, c'est-à-dire leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. C'est ça qui veut dire le shirk. Ils ont dit, et ils, c'est-à-dire les cordes et les bâtons, n'ont pas rampé en vérité. D'accord ? Et Cheikh, il termine en disant, et Allah est le plus savant. Et avec ça, on aura terminé le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, le cours prochain, si tout va bien, le samedi prochain, c'est le cours 20. Et c'est la suite du 7e annulatif, l'explication du 7e annulatif. Je voulais vous poser une question par rapport au cours. J'avais dit qu'on a, Inch'Allah, on attend que les frères responsables reviennent de l'Hajj, Inch'Allah, pour essayer d'organiser des cours d'arabe. Ça, on va pas en reparler, c'est en fonction des disponibilités de chacun, des professeurs et des frères qui veulent et sont éventuellement intéressés. Mais il y a une chose que je voulais vous demander. Qui, parmi vous ici, a suivi les cours de Sifat Salah de l'époque qu'on avait fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont arrivés après qu'on ait arrêté les cours de Sifat Salah. Comme ça, on en avait fait plus d'une trentaine. Hein? Presque personne. T'avais suivi? D'accord. Donc, moi, je me demandais, parce que je sais qu'il y a des gens qui se plaignent un peu sur Internet et qui disent qu'il y a beaucoup d'audio qui ont été perdus ou dont la qualité laisse à désirer et qu'il y a des passages, en fait, qui ont été perdus. Hein, c'est des problèmes d'enregistrement, en fait. Et comme il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas ici quand on a fait ce livre, je pensais éventuellement le recommencer du début. D'accord? En plus de ce cours-ci. Je ne sais pas si vous serez intéressé par ça. C'est-à-dire Sifat Salah, l'inscription de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Al-Albani, le fameux livre de Cheikh Al-Albani, expliqué par Cheikh Mohamed Bazmoul lui-même d'ailleurs. D'accord? On avait fait, je pense, si je ne me trompe pas, 34 ou 36 cours on avait fait. On est arrivé aux deux tiers du livre. Donc ça c'est peut-être une éventualité, de peut-être, comme il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux ici à Birmingham et qui n'étaient francophones, qui n'étaient pas à l'époque, peut-être pour les anciens ça va faire une révision, Inch'Allah, et pour les gens qui sont sur Internet qui n'ont pas les enregistrements qui conviennent. Ça peut être une possibilité, mais je voulais d'abord savoir si vous étiez intéressé ou pas éventuellement de refaire ça, Inch'Allah. Moi, ça va, on verra, Inch'Allah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.